Musique horrible. César, bonsoir. C'était la chanson secrète Tuuli Vallista, des artistes Tenhi, originaires de Finlande. Le seul pays scandinave à encore comprendre le sens du mot « crise ». Le seul pays où notre propre roi jupitérien, Emmanuel Macron, a manqué de se prendre des tomates maintes et maintes fois, en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne. Moi, César, j'aime quand des gens font ça. J'aime quand un groupe de gens en colère s'exprime spontanément. C'est alors par les mots qui vont suivre que je baptise le départ de cette seconde saison de Musique Horrible. Vive les gens! Assez d'humour. Bande de tarés bons à griller en petits cercles sur des vitraux céramiques pendant que vos téléphones enregistrent le son de vos ongles en train de fondre en une petite bouillie ivoire. Ah, amour mis à part, bienvenue sur Musique Horrible, le podcast dédié aux musiques des mauvaises émotions et également dédié aux insultes gratuites. Vous êtes en compagnie de moi, César, votre hôte qui ne sourit jamais. Et tout à l'heure, nous avons ouvert le feu sur l'histoire de Jean. D'un peuple autant capable de composer l'introversion languissante de Tuuli Vallista que de lancer impuissamment des tomates et autres fruits à la gueule du président. Ce alors que le monde se décide, toujours sans eux. Eh bien, ces gens sont tout. Ils sont appelés le sel de la terre par certains. Et mis en musique, les gens, G-E-N-S, se traduit littéralement en anglais par folk, F-O-L-K, comme le genre musical. Et selon nos propres rituels et traditions, ici, ce soir, c'est folk horrible pour Jean, tout simplement. Donc, permettez-moi de vous mettre à l'épreuve, chers auditeurs. Avec votre consentement, je vais vous amener ailleurs. Dans un cadre absolument dégueulasse, d'où vous pourrez pleinement saisir ces musiques. Et pour cela, je vous demande d'imaginer d'abord un truc impossible et extrême. Vous êtes prêts? Un endroit sans boulangerie. Gardez cette idée en tête, on va revenir dessus. Je vous laisse avec la danse de la pitié en fond, composée par D.M. Stitz. Un homme moche. Et 1, et 2, et 3, et... I'm leaving out the parts I don't like. Oh, I ought to learn, to learn. I ought to learn. I can't please myself every time. I say, bring me sunflowers and bring me a landscape of clouds and rain. And let the sky give up her many heavy hammers. Take a warning, but you are too soon. When I left, Mommy would wash my body back to you. Back to you. How many things much can I say to you? And expect shock, horror, hallelujah, to descend again in sweet oblation. Your guide's a lion, recently fed, drowsy. And the body, it waits for obliteration. Caught on fire, don't leave me waiting for the world to replace me. Replace me. Oh, replace me. Posons un cadre. Vous et moi sommes actuellement dans un lieu sans pain. À l'intérieur de la petite maison vide et abandonnée de l'Abtoul. L'Abtoul, c'est un lieu dit de la commune de Sidiaï. 331 habitants. Ou 330. Je ne sais pas s'il y en a un ou deux qui ont claqué depuis. Une chose est certaine. Vous et moi sommes actuellement dans le centre du trou du cul de la France. En d'autres termes, nous sommes dans le département du Cher. Dans un patelin où il n'y a aucune boulangerie à des kilomètres à la ronde. Dans ce cadre résolument extrême pour le français moyen, où les chériens et chériennes hantent cette terre sans gluten, l'Abtoul sera notre refuge pour parler folk. Ensemble, vous et moi, on est en train d'allumer un feu à partir des chaises, tables, tableaux et portraits de famille qui traînent dans cette vieille baraque humide. Notre allume-feu, c'est des pommes de pin. Et au bout d'un petit moment, le feu commence à prendre. Et l'Abtoul se réchauffe, tandis qu'elle nous enfume à moitié du fait du bois pourri, voire un peu merdique, que nous avons utilisé. Vos mains crispées par le froid commence à s'ouvrir un peu, alors que vos poumons noircissent légèrement à cause de toute la fumée qui s'est emparée des couloirs. Du coup, on ouvre la fenêtre. Ça sent l'insecte écrasé. Le temps dehors a l'air de se calmer. Le ciel est mauve cobalt. Et la forêt artificielle qui nous entoure est menaçante et a toujours l'air de se rapprocher à chaque minute. Le fait d'être artificiel ne l'empêche pas d'avoir une âme. Même si cette dernière est fragile. Ce qui est sûr, c'est que la forêt nous veut. Pour devenir, sans doute, entière. Enfin, dans le salon, il y a un petit puits de fumée qui s'est formé au centre de la pièce. Et m'a tombé dedans. Je pense que le cadre est posé. Nous pouvons commencer. Si cette terre avait une histoire à raconter, du folklore. Eh bien, jamais vous ne le saurez. Merci pour votre attention, chers auditeurs. Depuis l'Aptoul est tombé en ruine. Rebonsoir sur Musique Horrible. Vous venez d'écouter Don't Trust a Ruin ou Ne faites pas confiance à la ruine du groupe Big Blood. Un couple qui aime se déguiser en squelette et qui ont enregistré 26 albums depuis 2006, avec la plupart en téléchargement libre sur Free Music. Ils font partie de ces groupes de folk ermite avec peu d'infos sur eux, mais une énorme discographie. Et elle est fascinante. Ils y ont compris une des composantes essentielles de la folk. La folk ne peut pas être parfaite, sans quoi elle sonne faux. C'est une musique où les défauts commandent le sens. Je vous invite à pirater chez eux. Tout n'est pas horrible malheureusement, mais au moins, tout a des défauts. En parlant de défauts, le temps est venu pour nous de faire une petite pause, avant que nous ne suggérions l'impossibilité absolue de toute démocratie en nos jours. En effet, le contraste, c'est la vie, donc au milieu de chaque épisode, je me dois de jouer une musique pas horrible, pour que les gens trop dark aillent bien se faire voir. Par pur masochisme, je vous propose donc « Joli cul » de Romain Marceau, sur la compilation de La Souterraine appelée « Folk », musique traditionnelle du futur. C'est une chanson sur le cul. Quoi d'autre ? Qu'attends-tu pour te plaire, revenu en arrière? Qu'attends-tu, joli cul? Il y a bien mieux à faire. Qu'a ton cul pour me plaire, retenu ton derrière? Qu'a-t-on vu, joli cul? Il y a bien mieux à faire. Moi, César, ai été ému par cette chanson de Romain Marceau et proclame que le cul est officiellement le sixième sens de l'homme. Bien entendu, c'est une blague, même si elle m'avantage. Dans la première moitié de l'épisode, je vous ai raconté l'apparition et disparition de la betoule. Ce, en soulevant au passage la question du sens pour toute cette folk horrible que nous écoutons ce soir. Eh bien, la folk en général, telle que nous la connaissons majoritairement de nos jours, est considérée comme appartenant au troisième grand revival du genre en Occident. Un revival qui remonte jusqu'aux années 60 et continue encore aujourd'hui. Toutefois, ce revival rencontre au fil du temps un profond problème par rapport à sa raison d'être, son sens, et par rapport donc à ses racines. À l'origine, la folk est une pratique musicale ancrée dans la tradition et est considérée comme la manifestation directe d'une communauté, d'une ethnie ou d'une bande d'Irlandais bourrée dans un bar. Et si à sa renaissance, dans la seconde moitié du XXe siècle, la folk est, toujours en un sens, le genre par lequel les gens s'expriment, son attachement à une communauté et à des traditions est au fil du temps devenu de plus en plus instable, éclaté et individué. Si bien que pour beaucoup, la folk que nous connaissons dans la culture populaire ne peut être catégorisée folk de la même manière que sa grande sœur millénaire et planétaire. Et alors, vous demandez sûrement, qu'est-ce que c'est du coup la folk de notre génération? Vu que sa définition d'origine, d'identité et de rattachement est progressivement disparue et n'a laissé derrière elle qu'un énorme trou. Une ruine comme les Laptoul. Un vide. Plus de repères. Plus de traditions communes. La question du vide et de l'absence de sens dans la folk contemporaine, mais aussi parmi les gens qu'elle exprime, est fascinante. Certains esprits s'arrêtent à cette découverte et la laissent gouverner leur existence. La vie est vide et n'a pas de sens, donc mais... C'est une vérité. Et par respect, je ne dirai rien aux gus qui pensent comme ça, car toute insulte serait gâchée de toute façon. Toutefois, il y en a aussi qui sont allés au-delà de cette idée. Par exemple avec les recherches de Werner Erhard. À travers des processus expérimentaux incroyablement durs et endurants, ils ont creusé et creusé et retiré les couches de leur existence, comme un oignon. Ce jusqu'à réaliser, après avoir arraché la dernière couche, que non seulement il n'y a aucun sens, et qu'il n'y a que du vide. Mais que ça ne voulait rien dire, qu'il n'y ait rien que du vide. Alors, ils ont accédé à une liberté immense. Toutes les contraintes et toutes les règles qu'ils se sont placées sur eux-mêmes n'existent plus. Et ils se sont retrouvés en eux-mêmes, avec rien. Et rien, c'est un point d'appui extraordinaire et puissant, à partir duquel créer et se créer. Comme disait Richard Hell, punk soit torse nu soit en chemise hawaïenne, « I belong to the blank generation. I can take it or leave it each time. » Je vous invite maintenant à écouter la folk dès lors qu'un de ses pans tout entier se consacre justement au vide et au rien. Juste après, nous finirons la soirée sur une note plus légère et classique, avec des insultes sibériennes, l'image d'Adolf Hitler qui se fait virer d'un concert, ainsi qu'une courte introduction à un des hommes les plus extraordinairement horribles de sa génération. Sur ce, place à la folk et à l'amour du vide, et à la femme. Para fazer feliz a quem se ama, muita calma para pensar e ter tempo para sonhar. Da janela vê-se o Corcovado, o Redentor. Que lindo! Quero a vida sempre assim. Você perto de mim até eu apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci. quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci felicidade, meu amor. C'était Corcovado, une chanson d'un album magnifique appelé Desanos Depois, composé par Nara Leao. Ce reste de la surprise que j'entends dans vos yeux, chers auditeurs. Les mauvaises émotions auxquelles nous accordons un temps, sur musique horrible, ce n'est pas que la honte, la pitié ou la haine d'avoir été écrasé par un escargot géant à la Petoule. Doom. C'est également d'autres émotions comme la saudade. Qu'est-ce que la saudade, vous me demanderez? Eh bien, c'est une des émotions principales de la bossa nova. On me l'a déjà traduit comme étant la nostalgie, tout simplement. Mais d'autres, des poètes, me l'ont traduit comme étant le peu d'amour qui reste attaché à une chose qui, elle, a complètement disparu. En d'autres termes, c'est le vide et le rien auquel la passion a donné un sens. Rui, pizda, yebats, bliats. Nous arrivons à la dernière partie de cet épisode de Musique Horrible dédié à la folk. Moi, César, je voudrais conclure en insultant tous ceux qui pensent du coup que la folk, c'est un semi-barbu attardé en converse avec une guitare sèche paumée dans une playlist de You Spotify Cloud qui se proclame au service de la vraie musique. Ou pire, au service de la musique vraie. Disons-le cordialement. La prochaine fois que je croiserai cet homme, je prendrai ma voiture et j'irai rouler sur sa gorge en seconde vitesse lors d'une après-midi belle et ensoleillée. Le cuicui des oiseaux aura plus de mélodie que les gargouilles de son sang qui iront directement sur ses jeans serrés. Et je rirai à côté de son cadavre et je cracherai à sa gueule tandis qu'elle sera ouverte. Et là il aura toute la mélodie et toutes les vues qu'il voudra. Et il sera mort. Nous serons peut-être tous les deux heureux. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas vous attarder sur lui. Non, non. La folk, pour ce soir, c'est une arme, pas une aspirine. Et la personne qui a poussé cette idée à l'extrême, c'est Yegor Lietov, un musicien et poète sibérien, dissident de l'URSS, mais également de tout ce qui a suivi la chute de cet empire. Et comme tous les contes russes, il finit mal. Donc laissez-moi vous le raconter. Il était une fois un petit garçon appelé Yegor Lietov. Lietov vivait dans la grande ville industrielle extrêmement putain de dégueulasse, d'Omsk. C'était l'an 1964 et les routes n'avaient pas été réparées depuis 25 ans. C'est une véritable ville de merde. Et rapidement, Yegor Lietov multiplie les problèmes de santé. Oh, ceci n'est pas parce que le petit Lietov a froid, mais parce qu'au-dessus de sa maison, des essais nucléaires se multiplient et détruisent sa santé, au point à l'âge de 12 ans, le médecin le déclare cliniquement mort. La jeunesse, elle aussi, meurt plutôt rapidement, et les parents de Lietov arrivent à la conclusion assez saine, qui est que leur fils, qui avait réussi à se réveiller de son état de cliniquement mort, allait sûrement mourir l'année même. Ou peut-être l'année prochaine. Ou au pire, l'année après l'année prochaine. Bref, Lietov allait mourir. Et donc, à quoi bon lui planifier un avenir ou quoi que ce soit? Malheureusement pour les parents, Lietov survit. et entre dans l'âge adulte avec une mentalité sauvage. Grand, il constate toute la corruption et l'hypocrisie de l'Union soviétique, celle-ci incapable de suivre le plan qu'elle s'était défini dans les années 20, et présentant au quotidien une image médiatique qui était si loin de la réalité que personne n'était dupe. À l'époque, alors que commençaient les années 80 en Russie, plus personne ne croyait en rien, et plus personne n'osait rêver d'un monde où les hommes pouvaient devenir meilleurs grâce à la politique. Et l'étoffe, plutôt que de rejoindre la génération post-politique, décide de se mettre en guerre contre le pays tout entier. Et puisqu'il ne trouve rien dans la réalité pour exprimer sa haine, il décide de créer cette entité lui-même. Au bout de quelques rencontres et soirées dangereuses, est alors formée Grajdanskaya Obarona, qui signifie défense civile, réduit aussi en grob pour les intimes, qui peut se traduire par tombe. Ensemble, ils enregistrent dans un petit home studio dégueulasse. Le genre où on sait à l'avance que tout ce qu'on va enregistrer est crade. Et donc, on essaye de rendre encore plus crade ce qui ne peut être beau. Le résultat est une abomination qui mélange le pire du folk russe avec le pire du noise punk américain et le tout avec de la poésie qui oscille entre l'avant-garde et les insultes obscènes du fin fond de la langue russe. Le résultat était cataclysmique. Et rapidement, le KGB commença à remarquer Grajdanskaya Obarona. Au passage, une petite parenthèse sur les insultes. Le russe a une merveilleuse tradition appelée le mats, ou un système d'humour choquant dont le pilier est quatre insultes. Rui, qui veut dire bite, pizda, qui veut dire chat, yebats, qui veut dire fuck, et bliats, qui veut dire pute. Et les sons de ces quatre merveilleux mots se retrouvent partout dans la langue russe. Et ceci donne la voix à un système de jeux de mots via des insultes, où des phrases du quotidien masquent des insultes à l'intérieur. Et donc on peut simultanément demander un café à son patron et l'insulter copieusement. Aujourd'hui, le mats est interdit en Russie, donc tous en cœur. Rui, bite, pizda, chat, yebats, fuck, et bliat, pute. Rui, pizda, yebats, bliat. Comme vous pouvez le deviner, ces jurons n'étaient pas exactement au goût du KGB. Surtout dès lors qu'ils s'en prenaient directement au gouvernement. Grajdanskaya Obarona fut rapidement identifiée comme étant une cellule terroriste. Et Yegor Letov fut balancé à l'hôpital psychiatrique illico presto. Je pense qu'ils ont dû espérer que Yegor Letov se serait calmé, suite à 3 mois de traitement. Mais sa rage ne se calme pas. Au contraire, elle grandit. Et chaque furie est l'occasion d'écrire des chansons et de la poésie destructrice. Peu à peu, Letov devient une légende de l'underground. La perestroïka arrive à son terme. Le nouveau gouvernement cherche à se redorer le blason et commence à inviter tous les groupes alternatifs sur des labels contrôlés par le pouvoir en place. Et dans ce contexte, ils donnèrent une chance à Grajdanskaya Obrona de venir faire un grand concert approuvé par le parti. Letov accepte, étrangement, et il décide de mettre à l'épreuve les belles paroles du gouvernement. Le soir du concert, il arrive sur scène. Il s'annonce en tant que le seul, l'unique. Adolf Hitler. Et là, je ne me retiens de ne pas rigoler. Car au bout de quelques secondes, cette nouvelle Russie, qui prêche la tolérance et l'ouverture, se démasque et le vire de la scène violemment. Et à ce moment, Lietov se rend compte de quelque chose. Il regarde autour de lui quelques secondes et parcourt cette nouvelle Russie de sa pensée. Est-ce qu'il découvre l'enrage plus que jamais ? Le communisme dysfonctionnel qu'il avait connu et haï avait maintenant été remplacé par du vide. Il avait été remplacé par le néant idéologique qu'est le capitalisme ultralibéral. Encore un nouveau pouvoir absolu, tout aussi hypocrite et manipulateur, mais seulement de manière un peu plus subtile. Et à ce stade où non seulement les gens ne croyaient plus en rien, mais qu'on attendait d'eux qu'ils ne croient absolument en rien, Lietov continua sa rage. Et ne se calmant jamais, Lietov utilisa sa musique pour exprimer un combat contre le monde entier maintenant. Son monde entier. Igor Lietov meurt à l'âge de 42 ans, d'une maladie du cœur. La citation que tout le monde connaît de lui est: je serai toujours contre. La raison pour laquelle je vous parle ce soir de cet homme, mis à part pour dire des insultes en russe, c'est parce que la musique folk d'aujourd'hui est profondément enracinée dans la contestation. La raison pour laquelle elle est réapparue dans les années 20, puis dans les années 60 en Occident, c'est d'abord pour contester le pouvoir en place. Via par exemple les protest singers qui se faisaient bousiller leur guitare acoustique de merde non-stop dans les émeutes. La folk et le punk partagent une histoire commune. Et dans le cas de Yegor Lietov, ses chansons étaient des attaques absolues, sales et extrêmes sur le vide idéologique qui s'installait en Russie. Cette nouvelle folk, sans racines et sans tradition, où c'est l'individu qui parle avant la communauté, Lietov en a fait l'expression la plus directe possible de la rébellion de l'homme. Et ce qui va suivre est une de ses chansons les plus populaires. Всё идёт по плану. Tout se passe comme il a été défini dans le plan. Et cette chanson, c'est une sorte de témoignage acerbe sur la destruction du système politique soviétique qui se fait remplacer par rien. Et il s'agit d'une version live. Car plus que tout autre, la folk est aujourd'hui le genre musical de l'homme qui parle directement. Et ça, c'est la farce. Je trouve ça drôle. Juste après ça, il y aura également une dernière chanson pour penser. Il se peut que vous n'arriviez pas à la considérer comme étant de la folk, mais la lumière de tout ce que nous avons vu, moi, César, j'ose dire que ça en est. Dites-moi en plus si vous osez. Je vous attends. Mon adresse, c'est musique.horrible@gmail.com. Sur ce, bonne nuit et à bientôt sur Musique Horrible, de la part de moi, César, et de toute l'équipe qui rend ce rituel possible. Avec Yegor Lietov, je vous laisse sur le combat d'un homme contre le vide, qu'il ne faut jamais oublier. Mais aussi, qu'il ne faut jamais confondre avec votre vide, à vous. Ключ переломлен пополам, а наш батюшка Ленин совсем усоп. Он разложился на плесени, на липовый мед, а перестройка все идет и идет по плану, и вся грязь превратилась в голый лед, и все идет по плану. Все идет по плану, а моей судьбе захотелось на покой. Я обещал ей не участвовать в военной игре, но на фуражке на моей серп и молот и звезда. Как это трогательно, серп и молот и звезда, лихой фонарь, ожидание мотается, и все идет по плану. Все идет по плану, а моей женой она кормили толпу, мировым кулаком растерзали плоть, всенародной свободой растоптали грозь. Так закопай, тешь ее во Христе, ведь все идет по плану. Все идет по плану. Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь, а все другие остальные такое дерьмо, а все другие враги и такие мудаки. Над родною, над отчизной бесноватый снег шел. Я купил журнал «Корея», там тоже хорошо, там товарищ Ким Ир Сен, там тоже что у нас. Я уверен, что у них то же самое, и все идет по плану. Все идет по плану. А при коммунизме все будет заебись, все наступит скоро, надо только подождать. Там все будет бесплатно, там все будет в кайф, там, наверное, вообще не надо будет умирать. Я проснулся среди ночи и понял, что все, все идет по плану. Все идет по плану, все идет по плану, все.